Emma et Vienna sont deux amies dans l'Arizona où elles ont grandi. Le ciel est toujours bleu, mais la vie est bien dure pour des filles au cœur pur. Emma aime Tony sans oser lui dire. Tony aime Vienna qui ne le sait pas. Sous son grand chapeau, des journées entières, il siffle une chanson qui est toujours la même. C'est droit au cœur que sa balle est partie. Pourquoi faut-il que la vie sépare les meilleurs amis? Est-ce par amour ou par désespoir? Avec son grand fusil, Emma tue à Vienna pour l'amour de Tony qu'elle aime pour la vie.